Mais putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Qu'est-ce que t'es en train de raconter, toi, là? Tu sors d'où, toi? Franchement, et dis-moi comment tu t'appelles, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on joue plus, qu'on a splitté, machin et tout, là? Eh, t'es complètement à la masse, ou quoi, là? Franchement, nous, on joue plein de fois, on joue tous les mois, nous. On est en train de sortir un deuxième album. Et toi, t'es en train de sortir quoi, là? D'aller voir tout le monde partout, leur dire qu'on joue plus. Et golpe des stados, c'est fini et tout. Mec, t'es à la masse, ou quoi? Golpe des stados, c'est toujours, c'est jamais fini, là. Alors tu peux aller raconter ça dans tes merdes, dans tes feuilles de choux. Y'a que tes copains qui les lisent, tes fanzines de merde. Alors tu peux raconter ce que tu veux dedans. Mais tu vois, de temps en temps, faudra peut-être bouger son cul un petit peu partout, aller voir ce qui se passe. Parce que nous, on traverse la France, on attend personne. Ça fait 8 ans qu'on joue, ça fait 8 ans qu'on compte sur personne pour faire ce qu'on fait. Et c'est pas demain que ça va changer. Parce que si on compte sur les petits cons comme toi là, tous les connards, ils sont juste là-dedans dans le milieu de la zig, c'est pour faire quoi? Un peu de caillasse, avoir un peu de reconnaissance pour s'afflamber devant tout le monde. Mais c'est pas les mecs comme vous qu'allez faire avancer le move, les gars, c'est clair. Alors tout ça parce que tu changes deux, trois fois de zikos, t'arrêtes. Les mecs te voient pas en concert dans ton bled, t'existes plus. Bon, les gars, faudra sortir votre tanière parce qu'il se passe ailleurs. Attends, moi ça me fait bondir là, c'est quoi ces conneries là? Les golpes des stados, ça joue pour 10 000 balles, ça fait les vedettes, ça fout le bronze dans les hôtels et tout. Mais va te faire enculer tes conneries. Nous les trois quarts du temps on dort dans nos bagnoles. Les trois quarts du temps on est obligé de mettre de la thune de notre poche pour aller faire nos concerts. Et si on fait des concerts, c'est uniquement par esprit de solidarité. Et c'est pour que ça bouge, pas pour faire du fric comme toi, connard. Parce que nous de toute façon les trois quarts du temps on fait des concerts de soutien. C'est là qu'on voit les gens intéressants humainement et pour tout le reste. Parce que au moins c'est des vrais mecs, ils bougent. Mais c'est pas leur porte-monnaie ou le compte en banque qui veulent faire bouger. Bah tu peux continuer dans ce sens et tous tes groupes de merde là. Mais y'aura toujours des mecs pour dire non.